fracassés, tout ce que veulent les rêveurs romantiques ou songeurs atypiques. Oui, un monde dramatique, tous ces fanatiques et de l'amour en fou, et d'amour pour non. Avant j'y croyais, je crois que j'adhérais à toutes ces pensées, tous ces contes de phénomènes. Sacré mensonge cathodique, propagé de manière méthodique, sales obscures par des cyniques, qui depuis qu'on est né nous assènent l'idée d'un amour éternel. Moi ni l'autre pas. Oui mais voilà, cet amour s'est brisé.